mystère qu'on se prenne pour le premier verre. De l'errance. Ton jean moulé, ta vie de travers, ton embrasure, vos traits à terre. Tu veux la délivrance. Alors on se pète l'ego, on met les compteurs à zéro, sachant que faire. Même si la vie est belle à faire rêver, avec son comptoir et salé, j'en meurs. Je suis plus seul à te rêver, là sans comptoir la destinée, j'en meurs. Et on s'y va. Va la vie, pleure ma vie, chiale, chiale ma vie. Au comptoir de ton absence. Et on s'y va. Va ma vie, pleure ma vie, chiale, chiale ma vie. Au comptoir de l'innocence. Puis on se prête à se faire rêver, là sous le comptoir, tous les paumés. Tiens. Voilà l'enfance, nonchalamment aseptisé, pendu à faire rouler les dés. Je veux ta délivrance. Alors on se fait craquer l'ego, on se fout le cœur à zéro. Je n'avais rien d'autre à faire, et que tu sois belle à faire crier avec ton regard égaré. Femme fragile, que je sois seul en crevé, là sur le comptoir d'avoir aimé. Je meurs et je me dis va, va ma vie, blanc ma vie, chiale, chiale ma vie. Au comptoir de ton absence. Je te dis va. Va ma vie, pleure ta vie, chiale, chiale ta vie. Au comptoir de la délivrance. On n'a plus non plus de pays, noyé d'absence, d'absinthe d'envie. L'enfer des sens. Escape des feux d'atteindre l'oubli, on était pris. La délivrance. Alors, je te crève l'ego, je remets ton compteur à zéro. Je n'ai rien d'autre à faire. Avec les amis, on va les trinquer. La récompense. Avec les amis, on va trinquer. La délivrance. Et on s'y va. Va la vie, pleure ma vie, chiale, chiale ma vie. Au comptoir de ton absence. Je dis va. Va la vie, pleure ma vie, chiale, chiale ma vie. Au comptoir de ton absence. Un verre de vin pour tamiser l'enfer satin du spectre envié. J'étais beau à faire chialer sur le comptoir de ma guitare. Oh, t'étais belle à faire crier avec ton regard égaré de femme fragile. Oh, hé, madame, madame, ton innocence. La délivrance, la délivrance.